Oui, je voudrais vous demander, vous êtes passé très rapidement sur un lac. Vous pourriez remontrer un lac. Entre là, oui. Hein, la diapo. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter avant de poser une question? C'est un sentier dans la ville, monsieur Scott. Entre là, c'est les figures du parcours qui fait les virages, qui fait des cours, qui fait. Qui est souvent en boucle, qui revient, ça c'est pas. Oui, non, mais c'est vous êtes passé très rapidement, donc je voulais revenir là-dessus, c'est tout. Quoi. D'accord, ok. Bon, merci. Mais qui correspond aussi, c'est-à-dire que c'est pas neutre en fait que je passe peu de temps dessous, parce que je trouve que pour moi c'est les figures les moins pertinentes pour la promenade. Non, mais vous savez ce que vous avez fait, et nous on apprend ce que vous avez fait. Oui. Ok. Oui, j'aimerais savoir, tu as parlé de la musique. Est-ce que la référence à la table avec ces objets collés ou dessinés, est-ce que c'est pour nous donner l'esprit de la promenade? C'est-à-dire que tu t'en vas, tu dessines un axe, tu le prends, et est-ce que tu le regardes, c'est pour là que les objets collés sur la table, c'est un peu pour que tu reviennes sur l'esprit peut-être de cette démarche. C'est ça, peut-être que moi je l'associe avec cette démarche-là. Moi-même, dans ma socialisation d'artiste, j'étais marqué par le nouveau réalisme, parce que oui, et d'autres. Je retrouve maintenant que je me sens familier de leur démarche, de moment donné, d'avoir une attention au quotidien, au banal, de jeter un moment donné comme un cadre sur quelque chose proche de chez soi, qu'on regarde plus attentivement. Et ça peut être. Ça peut être une coupe de 300 mètres en mille, comme ça peut être des objets qui se retrouvent sur un table, qu'on essaie d'analyser et qui sont après source d'information, des récits très riches. Alors, si vous ne connaissez pas cette livre, La fin du hasard, je vous invite en fait de le lire, c'est très très plaisant. Parce qu'après, il donne l'écrit story dans la première. Fait une première légende à une version des objets. Après, il passe cette description à ses collègues, amis, qui le connaît bien, qui connaît en partie l'histoire des objets, qui réagissent aux commentaires. Et après, on se retrouve après avec un territoire qui dépasse largement de la géographie de la table pour en comprendre de manière très léger. À toutes les réseaux sociaux aussi de ces groupes d'artistes en France à un moment donné. Sans devenir prétentieux, si aujourd'hui quelqu'un ferait ce travail exploré de 60 ans, je crois qu'on sera plus capable de le présenter avec un télégène. Donc moi je me retrouve tout à fait dans cette idée que décadrer à un moment donné, de dire que c'est presque tout à fait le sens de cette démarrer. Une promenade presque partout. Et même si de la table, c'est une topographie, mais il y a toujours aussi, quand on regarde après, sur le plan, c'est pas évident, mais dans le livre, il y a un parcours des objets, évidemment, qui est pas mal. Mais je voulais te demander, quand il y a un parcours sur les cartes, comment, finalement, nomme ce parcours, ou est-ce que plusieurs personnes peuvent, je dirais, décrire, nommer, inventer un récit dessus. Je pense à ça parce que moi, la première fois où j'ai travaillé, c'était avec Tolini sur la Pontasse. Et en fait, avec l'enfant autiste, on essayait simplement de le faire parler après. C'est-à-dire que finalement, il disait des choses n'était pas dans notre cohérence, mais dans une autre langue. En fait. C'est pour ça que je me demandais si toi, quand tu fais ton parcours, c'est ta parole ou aussi d'autres paroles de ceux qui sont là, qui nomment, qui inventent une carte graphique différente sur laquelle tu fais une synthèse, ou est-ce que c'est toi qui, dans le parcours, lave en fait, des fragments de récit des autres qui toi. Comment tu procèdes au niveau de la composition de la ligne et peut-être de cette parole. Mais c'est toujours un travail de cours. toujours des ordres qui sont là avec la parole, avec le récit. Souvent, dans le cas des anciens couples, c'est tellement qui définit le parcours avec ce corridor, mais le contenu, les éléments du récit viennent des couples meneurs ou des personnes sollicitées. Et ça porte, alors souvent dans le nom de nomination de parcours, il y a un nom technique au départ qui est assez neutre, comme le lance en couple, ou un 37 avec des galates, ou 51, et qui dit rien sur le contenu, ni cognitif, ni affectif. Tu gardes ces paroles, elles sont dans des carnets, ou est-ce que... problème de archivage, de restitution, c'est pas résolu. Oui. Non, mais dans ton travail même, est-ce que la parole apparaît à un moment donné? Je n'ai fait une million en fait de ça. C'est-à-dire que cette balade existe, cette promenade existe dans le partage, dans la réalisation concrète, et qui est forcément toujours enregistré après. C'est-à-dire que, mais à un moment donné, je me mets dans la place du médium qui transmet les différents récits ou paroles, ou en tout cas mon interprétation des récits que je peux comprendre, prête à les modifier après avec de nouveaux éléments captés dans la réalisation, l'actualisation. Et concrètement, dans on a rendu en fait cet atelier de promenade collective publique, et c'est très difficile en fait dans un endroit qui est très bruyant de se cheminer avec un groupe, on s'attendait à 30 personnes qui venaient ou 40 personnes qui venaient. Alors on a trouvé une autre formule, on a des personnes actives de l'atelier, chacun a choisi un lieu sur le 300 mètres et s'est posé à l'endroit qui le plaisait ou qui sentait un peu plus d'affinité. Et des gens qui veulent se balader sont venus, on s'est retrouvés au départ avec un plan dans la main. Ils ont, pendant une heure et demie, ont cheminé entre les différentes personnes qui ont resté immobiles au moment endroit. Les gens allaient chez des promeneurs dans les villes pour parler avec eux. Souvent, il y a un enregistrement technique. Vous avez vu qu'il y a des tracés GPS que l'on enregistre régulièrement. Pas seulement pour garder l'inscription spatiale, mais surtout aussi pour garder les aspects dynamiques. Et depuis un an et demi, je me suis équipé avec un enregistreur audio et j'enregistre aussi une bonne partie maintenant de mes promenades. De mes promenades et des promenades des autres, parce qu'il y a vraiment un milieu et une communauté maintenant. Et évidemment, le travail de promeneur consiste aussi à marcher avec les invitations d'autres collègues. Mais cette référence à des lénis, évidemment, j'aurais au lieu des stories, je pourrais nommer évidemment aussi cette expérience de lénis, d'abord et après dans les semaines. J'aurais deux questions, une très très basique qui engage, je crois, beaucoup de ce que tu fais, qui est comment est-ce que se détermine le 107 ? Comment est-ce que la ligne se tire à un moment donné dans le choix du terrain, dans la longueur, donc comment est-ce que tu produis ce point de départ en fait, qui te donne accès après ce que tu racontes ? Et la deuxième chose, moi je me posais la question sur la relation entre la marche, les marches, les promenades que tu les fais, et ce que tu nous présentes dans ce que ça produit. Moi, je le comprends plutôt sous la forme d'une archéologie, du banal, urbain. Qu'est-ce qu'on peut découvrir à partir de techniques, de protocoles, de démarches de cette sorte. Donc la question que j'avais, c'était comment est-ce que tu articules la dimension même de la marche avec ce que tu en retires quand tu présentes, quand tu as l'expérience précisément de ça, et que tu présentes après coup ce que tu as retiré de l'expérience, c'est-à-dire moi, je le comprends comme ça, une découverte d'un certain nombre de pans de la ville, de l'espace urbain ou du vécu urbain qui peut rester enfoui habituellement. Donc comment se joue ce rapport entre la marche et le processus même de découverte des espaces que tu traverses? Première question, comment je détermine les transects, les parcours en essayant d'être le plus associable possible. C'est-à-dire qu'en me promenant avec mes collègues géographes, par exemple, des chercheurs en sciences humaines, j'ai bien vu que vous, sociologues, urbanistes, vous suivrez les sociabilités, vous suivrez les parcours sociaux. Et moi, j'essaie de m'écarter de ça, c'est-à-dire d'être plus scouteur, d'être plus géographe physique, en fait, de couper, de faire des découpes pas seulement les axes sociaux, du rythme, par exemple, ou des chemins de quotidien, des chemins d'aller au travail, à l'école, ou au sport. Et après, c'est vraiment ce feeling aussi où je soupçonne avoir une densité. Et après, c'est l'intuition qui joue aussi. Et la longueur, c'est arbitraire en fait. Ça peut être, là c'est de 300 mètres, c'est un peu le format petit que je n'ai pas beaucoup fait, mais ça peut être aller jusqu'à 10 km peut-être. Évidemment, ce n'est pas la même intensité, c'est 10 km que c'est 300 mètres. Comment ça t'occupe la découverte des espaces avec la marche même? Et là, le format aujourd'hui, c'est une conférence. Mais c'est très différent d'une promenade réelle qui a un temps qu'il faut gérer dans son confort. Là, je vous avoue que spécialiste de l'ambiance, vous savez très bien, il y a un confort thermique, sonore, artistique, une plaisir aussi d'être en mouvement, c'est-à-dire que articuler le mouvement, le moment de stationnement. De jouer sur les accélérations, les ralentissements, de jouer sur la lumière, trouver peut-être un endroit où on peut se retrouver pour faire des briefings justement pour accueillir encore des récits. Et ça, c'est un pan de travail qui ne peut pas être transporté en salle. Ça répond à ta question ? Oui. Oui, non, mais Henrik, justement, tu gardes ton autonomie en tant qu'artiste en faisant cette promenade, mais en même temps, tu choisis de le faire avec des sociologues et des géographes. Oui. Et c'était un peu sur ça que je voulais m'interroger, parce que, en fait, non, c'était le début de ton intervention que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de particulier qui se passait. Hein. Tu nous as montré des images de Google que tu as mis en rapport avec le parcours. Et disons qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que quelque part que tu es peut-être un peu. Tu es dans une autre posture que d'autres personnes qui auraient pu parler de la marche. Hein. Quand je pense à des textes des années 80-90, dans lesquels, on parle par exemple des vues surplombantes, comme étant des vues marquées d'une certaine arrogance, associées avec une posture stratégique ou un regard de scientifique. Hein, tu n'es pas du tout là-dedans, tu acceptes, tu habites, tu cherches même, je dirais, à associer ces différentes, cette possibilité d'un regard surplombant à ce que tu fais dans le contrat et la marche. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que tu confonds volontiers, ou tu associes volontiers les registres de l'histoire et de la mémoire. Oui. À cette distinction, par exemple, Le Goff, Jacques Le Goff, honnêtement. Moi, j'aimerais juste demander de commenter cet aspect-là, le fait, finalement, à travers ces parcours, ces expériences de parcours, il y a une sorte de traverser aussi et entre juste de connaissances. Hein. Et qui te permet peut-être de quelque part de te rapprocher, ou du moins de traverser des modes de connaissances autres que le cycle de tien, en tout cas. Oui, oui, mais merci pour cette remarque. Cette mélange de différents niveaux de connaissances, c'est un peu le fruit aussi de ma biographie, en fait, le passage entre en neurosciences, où je me confrontais avec des expérimentations et des représentations formelles de la réalité, qui fait que j'ai, contrairement à d'autres collègues marcheurs, je ne refuse pas les positions de contrôle, d'autorité, de vue zénitale. Mais comme c'est Michel Desserteaux qui l'a bien décrit dans ses deux manières de regarder la vie d'une vue zénitale et une vue d'action. Et beaucoup de mes collègues artistes sont que dans l'action, refusent en fait de donner momentanément les regards du contrôle. Moi, je ne veux pas me priver de ça, mais de le confronter avec, avec notre perspective, de les croiser après, et de voir est-ce que ça touche encore ou est-ce que c'est complètement dissocié. Ok, ça, effectivement, je sais. Tu as pointé un point faible, en fait, je ne suis pas attentif à la distinction entre mémoire et histoire. Non, au contraire, je ne suis pas convaincu qu'il y a un problème. Simplement, il y a une manière de traverser les registres que je voulais quand même. Enfin, je voulais que tu évoques. Oui. Je ne vois pas ça forcément comme une faiblesse. Mais en tout cas, concrètement, alors les faits d'être un peu flou là-dessus, mais c'est le format, j'aime bien aimer la situation de Sauvé tout à l'heure, de dire que la marche c'est un sujet glissant. Il est un peu déstabilisé quand on est dehors. On est un peu sur en alerte, on est un peu en. Il faut être réactif en fait pour ne pas trop glisser. Qui fait que c'est un bon moment de change aussi quand on invite un historien, un sociologue en fait, de la précarité, de se promener avec nous. Il doit adapter son discours ou le fruit de ses recherches à une réalité incorporée. Et ça permet en fait de rentrer dans le discours beaucoup plus facilement, à condition que le bruit de la ville le permet. C'est un bon format pour l'échange scientifique, je pense. Qui doit être confronté après la rencontre en salle, mais c'est vraiment précieux. Oui, bonjour, je suis Yves Paquin. Quand je vous ai entendu, je me suis dit, mais ça me rappelle quelque chose, finalement. C'est le groupe italien Stoke. Je ne sais pas si vous faites référence implicitement ou explicitement à leur expérience, dans le cas, votre présentation m'a rappelé ce qu'ils font. Et j'ai eu à la fois le même plaisir, parce que je trouve que vous, parce qu'un collectif artiste, réinventez nos méthodes de recherche, c'est formidable, vous leur donnez un nouvel allant, un nouveau souffle. Et en même temps, à un moment donné, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais, pas so what, mais jusqu'où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ne va pas arriver à faire des cartes temporelles, spatiales, autres aussi grandes que leur territoire. C'est-à-dire que, bon, est-ce que, mais c'est peut-être pas une question qu'on doit vous poser à vos artistes, c'est peut-être à nous qu'on doit se poser cette question si on ne s'envoie pas, finalement, est-ce que l'on peut vous accompagner encore longtemps sur la voie d'un descriptivisme toujours plus épais, et ça revient à la question de Rachel, bon, construction de l'objet à un moment donné. Je me dis, c'est formidable de faire ces coupes et de s'enfoncer dans des quartiers très, très denses. Mais à un moment donné, nous, sociologues, anthropologues, chercheurs en sciences sociales, en un mot, on doit s'arrêter et se dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? vous, oui, ça aboutit sur une œuvre et vous avez la réponse. Mais nous, comment ça se fait ? Vous voyez, je me rappelle de mon ancien patron qui disait faites attention de ne pas vous servir de vos instruments comme d'aspirateur. Une fois que le sac est plein, ils sont faits. Vous avez enregistré des dizaines d'heures, et puis après, qu'est-ce que vous avez à faire de tout ça ? Enfin, encore une fois, c'est plus une question rhétorique, vous voyez, c'est plus par le fait que vous utilisez nos méthodes, je trouve que vous nous renvoyez toute une série de questions que nous ne cessons nous-mêmes trop souvent d'éluder. Alors, voilà, vous n'aurez peut-être pas la réponse, c'est peut-être une question plus globale. Mais si vous avez un élément de réponse en plus, c'est encore mieux. Oui, vous avez raison. Pour moi, c'est simple, en fait, parce que comme artiste, je dis qu'il y a une forme, j'aboutis à une forme, qui est une forme de l'espace-temps de promenade, en fait, que je peux partager, qui est riche, qui est plaisant pour beaucoup plus plaisant pour moi que de vernissage dans une galerie. Bon. Mais ça, évidemment, ça ne passe pas. Alors, cet cauchemar, en fait, de l'échelle 1, ou même un paquet, en fait, toutes les couches de 1000 feuilles, de l'échelle 1, c'est réel. Vous dites que c'est ambivalent, c'est-à-dire qu'on tente vers, et en même temps, on sait très bien que c'est le voir de personne parce qu'on n'arrive jamais au bout, mais parce que aussi parce que la ville est dynamique. C'est une chance, c'est-à-dire qu'on arrive. C'est le cauchemar de l'échelle 1. Oui, je veux dire que c'est ambivalent. Moi, je me rappelle très bien la première fois que j'ai eu un rendez-vous avec le géomaticien de la ville qui m'est présent sur Saint-SG, qui fait un zoom sur tout petit, sur son écran. On voyait la région avec les grands axes, la géographie, les grands axes d'arrivée, la route avancée. Et il fait un zoom sur le centre-ville, sur la ville de Saint-Victoire. Il fait un zoom dans la crypte et on voit les tracés archéologiques du bonhomme, en fait, les osselets du pied de quelqu'un qui est mort il y a 1800 ans. Et là, on était même au-delà de l'échelle 1. Mais il y a une fascination, parce que ça suggère quand même cette cartographie-là, avec une souplesse de l'échelle à une maîtrise. Mais quand on se promène, on voit que ça aide effectivement d'avoir une bonne cartographie, ça aide de voir les choses sur le terrain, mais cette maîtrise est trompeur. C'est une carte en fait, qui est un côté des dimensions. Et là, je veux je crois qu'en tant qu'artiste, peut-être on peut contribuer ou inventer des représentations de vie peut-être plus. En même temps, elles sont augmentées par le type de marche qui est mise en place. C'est quand même une marche promenade. C'est quand même une représentation de la ville qui est produite par le type de marche particulière. Tout à fait, c'est une marche qui est particulière et c'est aussi lié avec un concept que j'ai appris avec vous, c'est le concept d'aménité, c'est ça ? Aménité, de chercher du confort. Je cherche des conforts là pour c'est peut-être pas très même difficile. J'ai une question très très provocatrice. Henri Thor, donc je suis chercheur au Crète. C'est moi je vois pas de trace de marche là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a qu'une connaissance qui est rajoutée sur un parcours, mais je ne vois pas la part sensible ou physique de la marche. C'est-à-dire, bien sûr, c'est le moyen de transport entre deux lieux que tu vas nous expliquer en référence avec des archives, avec des expériences personnelles de gens qu'on rencontre. Mais personnellement, je ne vois pas ce que moi, personne, ne connaissant pas Marseille, par exemple, si je vais au même endroit, tout le savoir poétique que tu nous évoques, je vais passer à côté. Je vais voir que la petite plaque qui ne me dira rien. Par contre, j'aurais peut-être vu d'autres choses. Et ça sera peut-être la démarche effective de la marche. Et là, il me semble qu'il y a une césure. C'est-à-dire, tout ce que tu nous racontes, c'est de la mémoire qui n'est pas dans l'acte marché. Oui. C'est de la mémoire qui est rajoutée. Et quand tu nous dis que l'objectif, c'est éventuellement une représentation, je me dis oui, sans doute. C'est une connaissance, peut-être. Mais où est la marche dans cette représentation ? Où est même le parcours physique qu'on pourrait. À partir du moment où tu traverses des rues, tu traverses des... Tu crées un axe de parcours qui n'est pas un axe physique, en fait. C'est un axe mental, c'est une projection que tu crées. C'est pour ça, vraiment, je suis un peu provocant en disant ça, mais où est la marche, quoi? Moi, je la vois très peu. Y compris dans le sous-sol, quand on visite les cuves, c'est très bien, mais c'est que le fait qu'on soit à pied, quoi. Mais être à pied et marcher, c'est peut-être pas pareil. Non, tu as raison, Henri, c'est que je fais là, c'est pas une promenade. Ça c'est lié avec les limites en fait du format d'une journée d'études, comme on les vit ici. J'ai discuté avec Rachel avant si ce ne sera pas possible de faire une marche à l'intérieur d'une journée de séminaire. J'ai imaginé, en fait, en connaissant que le format c'est une heure, alors j'ai imaginé qu'un parcours de proximité, c'est-à-dire de démarrer ici, de rouvrir la porte là, et de sortir dans le cours, traverser le jardin d'enfants, rentrer dans l'immeuble en bas, voir l'entrée de la mosquée qui est aussi à 400 mètres d'ici, voir le sous-sol, le parking, et d'être dans cette. D'être charnel et intellectuel à la fois. Mais c'est un peu osé parce que là, on est nombreux, on n'a pas l'habitude, on est trop nombreux en fait pour que ça passe de manière bien. Mais c'était l'idée parce que je suis bien conscient que ça fait que je peux ce que je peux raconter ou appuyant sur des images, là on ne place pas, on ne concerne pas le cœur de l'activité. Toujours aussi la recherche, en fait, est-ce que c'est possible? Là, je cherche moi-même et d'autres, est-ce que c'est transposable? Et apparemment, à ce format-là, il n'est pas encore satisfaisant. Il manque de temps. Je veux bien une question. Grégoire Chalcoff, de la concrétion. Moi, j'étais frappé, c'est plus une remarque par rapport à ton exposé. C'est la deuxième fois qu'on entend, enfin, un peu sur ce. C'est une remarque sur le mode d'énonciation finalement de la marche et qui pose question d'une manière générale puisqu'on dit qu'on parlait des moyens de description et d'investigation de cette pratique et ce qui me frappe et qu'on retrouve aussi dans les je trouve comme une forme de défaut c'est cette forme d'énonciation successive des choses il y a, c'est comme si la marche impliquait toujours quelque chose qui se succède une autre chose après une autre. Et qu'on retrouve fréquemment, finalement, dans les sculptures d'architectes, enfin, etc. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment les limites de la marche qu'on retrouve aussi dans lorsque des étudiants en architecture, dans le parcours, etc. Ça devient tout de suite quelque chose de successif, comme si on ne pouvait plus échapper. Et dans ta présentation, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'on disait, il y a, etc. C'est comme s'il n'y avait pas un autre mode de découpage, d'imaginaire, je ne sais pas, qui pourrait exprimer, traduire l'expérience de la marche. Voilà, c'est vraiment une question très ouverte. J'ai pas d'a priori, mais je trouve qu'on bute un petit peu toujours là-dessus, me semble-t-il, quand on a cette question. Que j'accepte volontiers cette critique, en fait, cette faiblesse du récit, c'est évident. Et comme remède à ça d'éviter le séquençage de l'énoncé trop simple, tu m'as fait remarquer la dernière fois qu'il y a en architecture, vous parlez d'une coupe dévoyée, c'est ce que je décris de manière séquentielle, les espaces et le territoire, ça peut-être aussi dans une représentation graphique, ça on pourrait l'aborder. J'aimerais bien tenter l'affaire avec quelqu'un qui est plus rodé dans ces choses-là. Et je tentais évidemment d'autres manières de restitution. J'ai plusieurs expériences avec les cinéastes qui ont pris la marche, deux marches comme support pour le film. Les rencontres toujours intéressantes avec les cinéastes ou les photographes. Mais le produit n'est pas concluant pour moi. C'est comme s'il y a aussi une résistance de la transposition. Donc c'est ça, c'est pas seulement glissant, mais il faut se mettre en marche quand même pour. Non, si vous n'avez le centre. Mais je suis surpris que tu. De ta façon de répondre avec moi, d'une certaine manière, parce que dire il y a, c'est laisser, c'est l'affect qui choisit et qui associe. Et c'est une manière de procéder, on peut aussi l'affirmer, mais peut-être que l'intérêt de ton travail, c'est qu'il y a ça, mais qu'il y a cette manière de faire des espèces de rapprochements affectifs entre des choses perçues, mais qu'il y a aussi, à un moment aussi, la lecture de textes historiques, il y a plusieurs, tu es dans plusieurs manières de procéder, et peut-être qu'il sera intéressant tout simplement d'être plus précis concernant ces différentes dans la manière d'identifier les différents registres et de voir comment on passe de l'un à l'autre, mais sans que cette capacité ou à rapprocher les choses, disons affectivement, disparaisse. Et à partir de là, moi je me demande si on va faire un second pareil. S'il n'y a pas de. En tant qu'artiste, si. Enfin, pour quelque part, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. S'il n'y a pas. Non pas à devenir chercheur à la place d'un chercheur, mais à affirmer, par exemple, une posture. Par exemple, celui d'être l'artiste promeneur. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être d'arriver à une sorte d'expression un peu affirmative de ce que tu fais, non pas de le changer, mais simplement de dire en fait, il s'agit d'une posture.